j'ai formé sur toi. Les projets de bonheur et de paix. Non, non, de malheur, mais de bonheur et de paix. Non, non, de malheur. Que j'ai formé sur toi, les projets de bonheur et de paix. Non, non, de malheur, mais de bonheur et de paix. Ah non, non, de malheur. Ainsi dit l'Éternel. Ah oui, Seigneur, tes promesses sont véridiques, nous y croyons fermement. Tu seras la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Tu seras la tête et non la queue, le premier, non le dernier. Pourquoi t'inquiètes-tu, mon frère? Pourquoi t'inquiètes-tu, ma soeur? Et pourquoi tu es si abattu? Pourquoi tu es très abandonné? Ah non, non, non, il est là. Il est là, il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il n'abandonne pas. Il est là, il ne délaisse point. Il est là auprès de toi. Il est là pour te secourir. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te bénir. Il est là, c'est lui qui a promis. Azali Zambe Malam, Azali Zambe na Shadrach, Azali Zambe na Meshach, Azali Akobongwa na Kate, Azali Ozako Banganini, Azali Ozako Lenga Pamba, Azali Pene Pene na Yo, Azali Akobate la Kayo, Azali Il est là pour te guérir aussi.